champion sur le ring. Mais KO la toute première ronde avant le ring. En quête de victoire, comme à la brosse en F1, tu veux arriver numéro 1. En quête de victoire, comme un lion dans la jungle. Ou moi-même MC qui n'a pas encore sorti de single. En quête de victoire, je l'ouvre et ferme tes gueules. En quête de victoire, comme un PSG Marseille. Comme une carpa, première tâte pas, je te m'éterre pas. Comme la queue basse qui fait sa ronde dans le GK. T'inquiète, j'essaie de trigger. En quête de victoire, avec l'équipe, on cartonne comme Boudjou Bandon. C'est de la bonne que je te donne au microphone. Ma voix résonne dans la zone et c'est niqué. Mais qui c'est ici Asté pour représenter. En quête de victoire, on vient couler les wagons. Je suis en quête de victoire, donc laisse-moi passer. On peut me tacler, mais mon itinéraire est déjà tracé. Détermination, motivation sont mes armes. En quête de victoire, nos paroles sont des lames. En quête de victoire, donc laisse-moi passer. On peut me tacler, mon itinéraire est déjà tracé. Détermination, motivation sont mes armes. En quête de victoire, nos paroles sont des lames. En quête de victoire, accélérer dans la vie. Passer les vitesses, chacun ses envies, chacun ses frais. Et si je rappe comme je blesse, en quête de victoire, c'est ce que cherchent toutes les victimes. Et toutes ces puces affichées dans leur vitrine. Comme les barbares et les vikings. En quête de victoire, loin de ces prostituées qui font les gars sur l'entretoir. Enquête, vas-y, mets ton enquête. Ne cherche pas de rappeur, MC, tu sais qu'on est toujours là et t'inquiète. La victoire, on connaît pas le goût, c'est plutôt la défaite. Les sons, on en a fait ça, entre nous, y'aura pas de péché. Rapper au lieu de pécher, un beat, un MC. Enquête de victoire, donc t'es obligé de kiffer. Dédicace à qui, contrairement à Paris, c'est trop magique. Je baisse la défaite et devant elle, je lève mon majeur. Enquête de victoire, en AD ou en major. Message que du rap de blanc quand on restera les mentors. Je suis en quête de victoire, donc laisse-moi passer. On peut me tacler, mais mon itinéraire est déjà tracé. Détermination, motivation sont mes armes. En quête de victoire, nos paroles sont des lames. Je suis en quête de victoire, donc laisse-moi passer. On peut me tacler, mon itinéraire est déjà tracé. Détermination, motivation sont mes armes. En quête de victoire, nos paroles sont des lames. Mec, sur moi, mets ton enquête si t'as pas envie de croire. Allergique à la défaite, je suis en quête de victoire. La galette des rois m'a appris à ne plus miser sur une fête. Même si la seule idée en tête, c'est la couronne sur la tête. La victoire m'attend de pied ferme, les beaux parleurs m'attendent au tournant. Veulent que je passe du 9 au 3 sur le thermostat de mon tournant. Je suis pas du genre à froidir mes ardeurs, quoi qu'il arrive. Je compte bien boire la victoire jusqu'à en devenir vivre. Un seul but à atteindre, des milliards de buts à craindre. Tempérament hors la loi, y'a pas de plainte si je viens l'enfreindre. La victoire est à ma portée, pas encore à ma merci. Si je l'ai pas, je pourrais pas me contenter. D'annuler sa mère, je m'accroche à mon ambition, ma victoire se rapproche. Fauche donc avec ma plume noire, qualifie d'arme blanche. Siffle la fin de mon couplet, y'aura pas de temps additionnel. Car encore une fois, le score est lourd. Si les POL, je suis en quête de victoire, donc laisse-moi passer. On peut me tacler, mais mon itinéraire est déjà tracé. Détermination, motivation sont mes armes. En quête de victoire, nos paroles sont des lames. En quête de victoire, donc laisse-moi passer. On peut me tacler, mon itinéraire est déjà tracé. Détermination, motivation sont mes armes. En quête de victoire, nos paroles sont des lames. De la victoire en quête, comme un bâtard de terrain pète qui enquête. Comme un jeune prodige, Santiago Bernabéu qui empiète. Son terrain, la rage de vaincre impossible. Jeter l'encre, atteindre son but sans tout buter. Sans manquer la cible, la tripler. La vie a trop d'emplus à dribbler. Mais la difficulté baisse quand t'as une équipe équilibrée. On s'use pas, mais on crache pas dans la soupe. En quête de victoire, on fait ce qu'il y a à faire pour choper la coupe. On relève le manteau, change pas de manteau, dis pas les moutons. On n'arrive pas au sommet en pressant pour un bouton. Pas pressé, plutôt patient, oppressé par l'ennemi. Laisse-le croire qu'il est fort, t'inquiète, j'ai la haine en mille. Je me contenterai pas de perdre en restant humilié. Même si l'hostilité se compte par milliers. En quête de victoire, donc laisse-moi passer. On peut me tacler, mais mon itinéraire est déjà tracé. Détermination, motivation sont mes armes. En quête de victoire, nos paroles sont des lames. Je suis en quête de victoire, donc laisse-moi passer. On peut me tacler, mon itinéraire est déjà tracé. Détermination, motivation sont mes armes. En quête de victoire, nos paroles sont des lames.